بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on est toujours dans le deuxième chapitre de Kitab al-Tawhid, donc le chapitre de Fadl al-Tawhid وما يكفر من الذنوب, le mérite du Tawhid et son expiation de l'ensemble des péchés. Donc la dernière fois, on avait fini de lire le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu an, et on arrivait au hadith de Anas ibn Malik, donc rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc le shir, rahimahullah, il dit wali Tirmidhi wa hassanahu عن أنس عن ابن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. Donc c'est ce qu'on appelle un hadith قدسي rapporté par Anas ibn Malik, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc s'est adressé aux enfants d'Adam en disant: ô enfants d'Adam, si tu me viens avec comme péché l'équivalent de l'équivalent de ce que peut de la terre entière ou proche de cela, mais qu'ensuite tu me viens en ne m'ayant rien associé, alors je viendrai à toi avec son semblable de pardon, c'est-à-dire avec l'équivalent de la terre ou de ce qui est proche de ceci en pardon. Donc ça encore, ça, c'est un hadith qui montre le poids du tawhid et le poids de la ilaha illallah et son mérite. Et comme il le dit dans At-Tarajama, dans le titre, son expiation de l'ensemble des péchés, mais encore une fois, sous les conditions qu'on a citées depuis le début du chapitre. Donc, Al-Muhashi, الشيخ عبد الرحمن بن القاسم دي وللترمذي وحسنه واسمه دونك لا يبارل دي الامام الترمذي صاحب الجامع دي واسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك وقيل ابن سكن السلمي ابو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره وكان ضرير البصر وتلمذ نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون مات بها سنة 79 بعد 200. نعم. Ensuite, concernant, il dit « wahassanahu », c'est-à-dire que ce hadith-là, l'imam Tirmidhi, il a jugé qu'il est « hassan ». Qu'est-ce que ça veut dire « hassan » ? Savoir qu'il y en a qui disent parmi les ulémas que l'imam Tirmidhi, c'est le premier qui a utilisé ce hukm-là, qui a donné au hadith ce nom-là « hassan ». Qu'est-ce que l'imam Tirmidhi veut dire par « hassan » ? Donc, il dit « waqal arattu ». Donc ça, c'est la parole de l'imam al-Tirmidhi. قال أردت بالحسن ولا بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الحسن في اصطلاحه يعني في اصطلاح الترمذي ما روي من وجهين وليسافر واته من هو متهم بالكذب ولا شذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. Donc l'imam Tirmidhi, il a dit, donc j'ai voulu dire par, donc, par cet istilah, par ce nom-là, Al-Hassan, que dans sa chaîne de transmission, il n'y a aucun rapporteur qui est accusé de mensonge. C'est-à-dire, il n'y a aucun parmi les rapporteurs-là qu'on soupçonne de mentir dans le hadith. Mutaham bil-kadhib. Il dit, wala yakunu shadhan. Il n'est pas shadh, c'est-à-dire qu'il ne contredit pas la riwaya, donc il ne contredit pas la version de hadith ou de hadith de gens qui sont plus forts que lui dans le hadith. Des gens qui sont plus, on dit awthaq, qui sont plus thiqat que lui, qui sont plus dignes de confiance et qui sont meilleurs dans la maîtrise du hadith que lui. Il ne va pas contredire. Ou ce hadith-là, ou ce rapporteur-là, ne contredit pas des gens qui sont plus forts que lui dans le hadith. Et, وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجِهِنْ. C'est-à-dire que ce hadith-là, il n'a pas qu'une seule chaîne de transmission. Il en a plusieurs. Il a plusieurs chaînes de transmission. Ibn Taymiyyah a dit, en expliquant et en éclairant un peu plus cela, que ce qu'il a voulu dire par Al-Hassan, c'est ce qui est rapporté au moins de deux manières, c'est-à-dire par deux chaînes de transmission différentes. Et il n'y a pas dans ces rapporteurs celui qu'on soupçonne de mentir, comme on l'a dit avant, qui n'est pas shadh, c'est-à-dire qui ne contredit pas la riwaya, la version du hadith, de gens qui sont plus forts que lui dans le hadith, et qui ne contredit pas les hadiths qui sont authentiques. Ça, c'est concernant le sens de Al-Hassan, de Al-Husn, concernant le hadith, Al-Hassan, selon l'imam Al-Tirmidhi. Donc, il dit, « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » An Anas, d'abord, An Anas ibn Malik. C'est qui Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit, « Hua Anas, donc, ibn Malikin » ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرم ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار ابو حمزه الخزرجي الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهو ابن 10 فقالت أم سليم هذا غلام يخدمك. هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 وقد جاوز 100. سبحان الله. دونك يسابلي أنس بن مالك fils de Nadr, fils de Damdam, fils de Zayd, fils de Haram, fils de Jundub, fils de Amr, fils de Ghanm, fils de Adi, fils de An-Najjar. Sa kunya c'était Abu Hamza. Il fait partie de la tribu, c'était Ansarit, et il faisait partie de la tribu de Al-Khazraj. Et il a été le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui s'occupait des affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des récipients avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, etc. Et il l'a servi pendant 10 ans. C'est-à-dire depuis qu'il est arrivé à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est arrivé à Médine jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah azza wa jalla pour lui en disant, où Allah multiplie ses biens, ses enfants, et fait le rentrer au paradis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a émigré, qu'il est arrivé à Médine, il avait seulement 10 ans. Il était jeune, il faisait partie des jeunes compagnons. Et sa mère, Sulaym, elle a dit, cet enfant-là, il va te servir, il va être ton serviteur. Et il est le dernier parmi les compagnons qui est mort. C'est le dernier compagnon homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. Il est mort bil Basra, donc en Irak, en 92 de l'Hégire, et il avait dépassé les 100 ans. Anas ibn Malik qui fait aussi partie de ce qu'on appelle al-Mukthirin, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas dit, donc dans ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, donc hadith Hassan, Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, il dit dans son livre aussi, Jami' al-Ulum wal-Hikam, que le hadith, il confirme qu'il est Hassan. Et donc, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le messager d'Allah dire, Yaqul, قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Donc, il a entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah il a dit. Donc ça, on sait que ce genre de hadith, ce qu'on appelle hadith qudusi, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la parole d'Allah, comme ils disent lafzan wa ma'nan, c'est-à-dire que c'est les mots d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. C'est les mots d'Allah, ce n'est pas les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit qala Allahu ta'ala dans le hadith Qudsi, ça comprend les mots et le sens qu'indiquent ces mots-là. Puisqu'il y en a parmi les ulama qui ont dit que ça ne contient que le sens et que les mots, c'est les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sur ce taqdir-là, on pose la question, alors quelle est la différence entre le hadith al-Nabawi ou le hadith al-Qudusi? Puisque le hadith al-Nabawi, c'est aussi, ça fait partie du wahi. Qu'Allah ta'ala, la yantiqu ani al-hawa, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu ani al-hawa, inna huwa illa wahyun yuha. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ramène de la révélation, ça vient d'Allah, que ce soit le Coran ou que ce soit la Sunna. Simplement le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle ou par laquelle ou par sa récitation ou par laquelle on va dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer en récitant cette parole-là. Et ça, c'est la différence avec le hadith al-Qudsi. Le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas légiféré de la réciter comme on récite le Coran. Et les choses qui sont propres au Coran, par exemple le Coran, on sait que parmi les shurut, pour que ça s'appelle Coran, que ça soit mutawatir, que la récitation elle soit rapportée de manière mutawatira, c'est-à-dire d'un groupe, si bien que tous ces rapporteurs-là n'aient pas pu se mettre d'accord sur un mensonge. D'autres choses aussi, les miracles auxquels sont attachés le Coran, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait défié les mushrikins de venir avec une parole semblable, ça c'est propre au Coran. Le mu'jiza, c'est quelque chose qui est propre au Coran, la parole d'Allah dans le Coran, pas dans le hadith al-Qudsi. Mais sinon, la parole, le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lafzan wa ma'na, c'est-à-dire les mots et le sens que contiennent ces mots-là, qu'indique ces mots-là. Donc, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, ya ibn Adam, ça on appelle ça aussi un nida en arabe, harf un nida ya ibn Adam, ibn Adam, ibn Adam al-Munada, celui qui est appelé. On avait vu dans le Wasitiya que tous les versets et tous les hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse comme ça à quelqu'un, ya ibn Adam, ya ayyuhan nabi, ya Adam, et tout ça montre que qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a comme attribut la parole, et que cette parole là c'est une parole, une vraie parole, c'est pas un sens métaphorique, mais c'est que c'est une vraie parole qui s'entend, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à Adam, ya Adam, un nida, on se rappelle que c'est le fait de s'adresser à quelqu'un avec une parole à voix haute. C'est le contraire, c'est un naja, Nida ou Naja. Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'une vraie parole. C'est pas une parole métaphorique ou comme l'on dit la sha'ira le kalam al-nafsi, c'est-à-dire c'est juste un sens, mais c'est pas un son qu'on entend et c'est pas une parole qu'on peut écrire avec des lettres. Donc on a vu qu'Al Sunna wal Jama'a ils disent quoi? Que c'est une vraie parole qui s'écrit, donc qui contient des lettres et qu'on entend. C'est un son. Donc, Ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya. Al-Muhashi dit qurab bi dam al-qaf. Qu, qurab. Mil'uha ou ma yuqaribu mil'uha. C'est-à-dire, le sens c'est si l'enfant d'Adam vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'équivalent de péché que peut contenir le volume de la terre. Ou quelque chose qui se rapproche de ça. Non. Il dit, Thumma laqitani la tushriku bi shay'an. Et ensuite, que tu me rencontres. Donc, cet enfant d'Adam-là, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec l'équivalent de péché de ce que la terre peut contenir en volume, mais qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans ne rien lui avoir associé. Thumma laqitani la tushriku bi shay'an. Ay thumma mitta hala kawnik la tushriku bi shay'an. وهذا شرط ثقل في الوعد بحصول المغفرة والسلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصله ولم ترجح حسناته بسيئاته ولا يحرم على النار. ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا ولم ترجو حسناته بسيئاته ولا يحرم على النار. Donc, sa parole, ثم لقيتني لا تشركوا بي شيئا. Donc ça encore une fois, لا تشركوا بي شيئا, comme on l'avait vu, cette phrase, elle est hal. Donc, si on l'analyse grammaticalement, on dit que c'est hal, c'est-à-dire ça indique l'état de la personne lorsqu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se rappelle, on a dit al hal, on a dit wasfun li sahibihi qaidun li amilihi, c'est-à-dire que c'est une description de celui qui fait l'action au moment où il l'a fait, et que ça représente une condition à l'action. Ici, c'est le fait de rencontrer Allah. La personne qui rencontre Allah, elle est dans quel état? Elle est dans l'état où la tushriku bihi shay'an. Elle n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une condition pour l'action. Le fait de rencontrer Allah, c'est conditionné, donc pour bénéficier, on va dire, de la récompense, il faut remplir cette condition-là, c'est-à-dire le fait de n'avoir rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, la personne, elle mérite la récompense qui est « La ataytuka bi qurabiha maghfira ». Je t'accueillerai avec la même quantité, c'est-à-dire la quantité équivalente de avec laquelle le serviteur est venu à Allah subhanahu wa ta'ala en péché, c'est-à-dire l'équivalent du volume de la terre, avec la même quantité de pardon. Donc, c'est-à-dire que par ce tawhid-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous ces péchés-là. Donc, ça ressemble au hadith qu'on a vu dans le hadith précédent d'Abu Saïd el-Khudri. Le fait que dans la balance, la ilaha illallah soit plus lourd que les sept cieux et leurs habitants et que les sept terres. Et ça ressemble aussi au hadith de l'Bitaqa qu'on a vu aussi précédemment. Le fait que dans un pilier de la balance, il y ait la ilaha illallah, cette fameuse carte sur laquelle est inscrit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et dans l'autre plateau de la balance, ces 99 feuillets qui étaient remplis de mauvaises actions, de péchés. Ça, c'est à peu près l'équivalent de ce que peut remplir la terre en volume de péchés. Ça a le même sens. Filmahana, ça a le même sens. Non. Donc ça, c'est une condition que la personne doit remplir pour bénéficier de ce pardon-là. Donc ça, c'est ce type, on va dire, de phrases qu'on analyse grammaticalement comme étant des phrases d'état, c'est-à-dire hal, c'est ces phrases-là qu'on retrouve dans les hadiths des conditions de la ilaha illallah, comme on l'avait vu dans les cours précédents. Quand, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les conditions qu'on avait vues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Othman, radiyallahu anhu, qui man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa huwa ya'lamu, ça, on dit que c'est une phrase qui est hal, c'est une phrase d'état, c'est une phrase qui décrit dans quel état est cette personne-là qui meurt. Et cet état-là, il représente une condition à l'action pour bénéficier de la récompense. C'est-à-dire, celui qui meurt en sachant que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si bien que cet état-là, il représente une condition. Si cette condition-là n'est pas remplie, la personne ne mérite pas la récompense. Donc, on peut prendre ce qu'on appelle le mafhoum. Donc, à partir du moment où cette phrase est une phrase d'état qui représente une condition, si cette condition-là, elle n'est pas réalisée, on comprend par le mafhoum, ce qu'on appelle le mafhoum al-mukhalafa, la compréhension par l'inverse, que man mata wa huwa la ya'lamu annahu la ilaha illallah, la yadkhulu al-jannah. La yadkhulu al-jannah. Celui qui meurt en ne sachant pas que seul Allah mérite l'adoration ne rentre pas au paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle le mafhoum al-mukhalafa. Même si c'est un dalil mukhtalafun fiha, c'est-à-dire c'est un dalil au sujet duquel il y a un khilaf entre l'usuliyoun, est-ce qu'il est valable ou pas? Mais la majorité dit que oui. Donc ils prennent le mafhoum, la compréhension par l'inverse, que si cette condition n'est pas remplie, la récompense ne peut pas être acquise. Donc ça, c'est le même type de phrase ici, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith Qudusi, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Donc ça, c'est la condition. Tu rencontres Allah, mais dans quel état? Dans l'état d'être pur, de ne rien avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وهذا شرط ثقيل. C'est pour ça qu'il dit وهو شرط. Qu'on dise شرط ou قيد. قيد et شرط, ça a le même sens. Donc il dit هذا شرط. Donc cette phrase qui a comme statut le fait d'être hal, une phrase d'état, on en tire une condition. C'est comme ça qu'on dit que la ilaha illallah, elle a des conditions. Encore une fois, ces conditions, comme on l'a dit, elles ne sortent pas de nulle part. On les tire des hadiths et des nusus conformément à la compréhension qu'on a ou que les ulama ont eue de la langue arabe. C'est ça que, comme on l'avait dit, le ilm de usul et le fiqh, on sait qu'il est basé en très grande partie sur la compréhension sur la langue arabe. Donc, de par la compréhension de la langue arabe, on tire de ces textes-là que ces choses-là, c'est des conditions. C'est pour ça que le shir l'a dit, Wahaza shartun thaqil, lourd, fil wa'di, dans la promesse, c'est-à-dire dans la promesse du pardon. Fil wa'di, bihusulil maghfira. Et là, il dit, c'est quoi cette condition? وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. Il dit, et c'est le fait d'être exempt, d'être saint de tout shirk, de toute forme de shirk, qu'il soit en petite quantité ou en grande quantité, ou qu'il soit petit, c'est-à-dire le petit shirk, ou qu'il soit grand, le grand shirk. Et ça, encore une fois, on le tire d'où? On le tire de la tushriku bi shay'an. Comme on a dit, la tushriku, tushriku, c'est un verbe mudari'. Verbe mudari', fi'lun mudari'. Et ce fi'l, on dit fi'lun mudari'un yatadammanu masdar. C'est-à-dire que ce verbe-là, il, dans le sens, il contient le masdar. Elle contient, c'est-à-dire le masdar, le nom qui est la source de tous les mots qui sont dérivés de ce nom-là, qui indique donc une action et qui indique un temps dans lequel se déroule cette action. Ici, c'est le mudari', donc c'est quelque chose qu'ils appellent l'inaccompli. C'est quelque chose qui se passe maintenant ou qui va se passer. Et donc, on sait que le masdar, dans la langue arabe, ils disent masdar nakira. Le masdar, donc ce nom-là, qui indique une action, mais qui lui n'est pas, n'a pas de connotation de temps, ce mot-là, il est nakira, c'est-à-dire qu'il est indéfini. Et un mot indéfini dans une phrase négative, comme il disait l'Osulioun, "Nakiratun fi siyaq an-nafi yufidu al-umum", tufidu al-umum. C'est-à-dire que le mot indéfini dans une phrase négative nous indique la globalité, nous indique la généralité. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est renié, ce qui est rejeté, c'est tout le shirk. Petit shirk, grand shirk, n'importe quelle sorte de shirk. Ça rentre dans l'atu shirku. C'est comme ça qu'on comprend ça. Comme ça qu'on prend ça de ce texte-là. Bi, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même, bi, ya al-mutakallim, bi, à moi, de m'associer à moi-même, donc Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui parle, shay'an. Et là, on a un deuxième, nakira. Shay'an, comme on l'avait dit, ici, on a aussi la même règle, nakiratun fi siyaq nafid fidul umum, mais ici, ça concerne al-ma'boudat. C'est-à-dire shay'an, quelle que soit la chose qui est associée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit une statue, que ça soit un mort, que ça soit une loi forgée, tout ça, c'est rejeté. Et ce serviteur-là qui rencontre Allah, il n'a rien associé, il n'a donné aucune sorte d'adoration à aucune sorte de fausse divinité. On tire ces deux umum-là, ces deux généralités, ces deux globalités-là, de cette manière. Et encore une fois, en se basant sur la compréhension de la langue arabe. Et le wa'd, la promesse, c'est quoi? C'est la ataytuka biqurabiha maghfira. Donc il dit wa la yaslamu min dhalika illa man ata Allah biqalbin salim. Et personne n'est exempt de ceci, c'est-à-dire de cette écarté du shirk akbar, donc ça c'est la base de l'islam, mais aussi du shirk asghar. Seul celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant un cœur saint, pur. Encore une fois, comme on l'a vu, celui-là, c'est celui qui réalise le tawhid complet. Kamal al-tawhid, soit wajib, soit mustahab. Donc c'est celui qui accomplit un tawhid complet et donc qui dit la ilaha illallah avec une parfaite connaissance de son sens, avec un yaqin, une certitude, l'ikhlas, l'exclusivité, la sincérité, un sidq complète. Et ça, c'est ce qui va C'est ce qui va le sauver de commettre le shirk akbar, parce que c'est la base, mais en plus de ça, le shirk asghar. Et celui qui a un tawhid, on avait dit, celui qui a un tawhid semblable à ceci, c'est quelqu'un à la base qui ne persiste pas dans le péché et dans la bid'a. C'est quelqu'un, lorsqu'il commet un péché, c'est quelqu'un qui se repent tout de suite. Quelqu'un qui se repent de son péché. Il ne meurt pas en ayant persisté sur des grands péchés. Et si bien, s'il avait des péchés avant ceci, qu'il a accumulé, ce tawhid-là, avec ce poids-là, avec cette force-là, rien ne peut contrebalancer ce tawhid-là dans la balance. Et là, c'est le sens aussi de ce hadith-là, c'est que celui qui se présente à Allah avec ce tawhid-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne l'ensemble de ces péchés-là par ce tawhid-là. Donc ça, c'est parmi les mérites du tawhid, parmi les plus grands mérites du tawhid, c'est qu'il va expier donc l'ensemble des péchés. Ou que par ce tawhid-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne l'ensemble des péchés passés. Il dit, وَمَنْ أَتَى بِلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ أَصْلًا. Donc là, celui qui... وَمَنْ أَتَى بِلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ. Donc celui qui vient, Allahu alam, le sens apparent de sa parole, c'est que celui qui vient avec la ilaha illallah, c'est-à-dire juste la parole, mais qu'il est mushrik. Lam tasihha minhu asla. Donc là, il vise Allahu alam le shirk akbar. C'est-à-dire celui qui dit cette parole-là, mais qui commet le shirk akbar, son tawhid, il est nul à la base. Il ne réalise même pas la base du tawhid, donc il n'est même pas musulman. Donc celui-là, à la base, on sait que il n'a pas de bonne action à mettre dans la balance. C'est pour ça que les kuffars, on ne pèsera pas leurs actions comme Allah subhanahu wa ta'ala, il pèsera les actions des muslimines. Parce que le kafir, il n'a aucune bonne action à peser. On sait que le shirk akbar, il annule. Le kufr akbar annule toutes les bonnes actions. Donc il n'a rien à peser, le kafir. Et après, il dit, وَلَمْ تَرْجُوْ حَسَنَاتُهُ بِسَيِّئَاتِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ. Donc là, c'est qu'il parle plutôt Allahu alam du shirk asghar. Parce qu'après, il dit, et ses bonnes actions ne prennent pas le dessus sur les mauvaises. À la base, on sait que le kafir, comme on a dit, il n'a pas de bonne action. Donc là, on parle de quelqu'un qui dit La ilaha illallah, qui est saint du shirk akbar, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis le shirk akbar, il est musulman. Mais c'est quelqu'un qui a commis des sortes de shirk asghar et qui peut-être même a commis, comme on l'a vu dans le hadith précédent, ou dans le hadith de Idban, qui a commis avec ça encore des grands péchés et qui a persisté dans ces grands péchés-là, qui est mort sans repentir. Donc celui-là, son tawhid, il s'est affaibli. Et son ikhlas, et son yaqeen, et son sidq, toutes ces conditions-là, elles sont faibles. Si bien que ce tawhid-là, il n'a pas le poids, il n'a pas la force de contrecarrer, de contrebalancer ses mauvais péchés, et il n'a pas non plus le mérite d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Son tawhid, il n'est pas assez fort, il n'est pas pur pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas dans ce hadith-là. Il ne bénéficie pas de cette promesse-là, elle maghfira, parce que son tawhid, il est tronqué. Il a l'asl, il a asl tawhid, mais il n'a pas le kamal. Il n'a pas ce qui va lui permettre de bénéficier de cette promesse-là. Il dit, wala yahrumu 'ala an-nar. C'est-à-dire, il n'est pas interdit au feu. Il est interdit à l'éternité dans le feu. Et il est promis au paradis, c'est-à-dire au final. Mais il n'est pas interdit au feu, si bien qu'il risque d'être jeté au feu dans un premier temps pour expier ses péchés, comme on l'a dit, comme c'est le cas pour la majorité des mouahidés. Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le hadith en disant, donc ça c'est le wa'd, la promesse, la'ataytuka bi qurabiha maghfira. Alors je t'accueillerai, ou je viendrai à toi avec la même quantité de pardon. Donc la même quantité de pardon que la quantité de péché avec laquelle est venu ce serviteur-là, mais qui a accompli le tawhid et le tawhid complet, ce qu'on appelle kamal al tawhid ou kamal al iman, soit le wajib, soit le mustahab. On a dit on a asl al iman ou asl al tawhid. Donc ça c'est celui qui meurt mouahid, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui s'est désavoué du shirk akbar. Ensuite, on a un niveau supérieur qui est kamal al iman al wajib. Donc ça c'est quelqu'un qui a réalisé la base, mais qui en plus de ça, c'est quelqu'un qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas persisté dans des grands péchés ou qui n'a pas persisté dans le délaissement de certains commandements. Et on a le kamal al-iman, kamal al-iman et le mustahab, ça c'est celui qui a en plus rajouté des choses qui sont surérogatoires. Que ça soit dans les actes, en faisant des choses qui sont mustahab, le mustahabbat, ou en délaissant des choses qui sont blâmables, le makruhat. Donc c'est ces deux catégories-là qui méritent, ou c'est ces deux catégories-là qui ont réalisé un tawhid complet et qui méritent ce pardon-là, ou c'est ce tawhid-là donc complet qui est assez lourd pour contrebalancer n'importe quel péché dans la balance, yawm al-qiyam. Comme dans le hadith d'Al-Bitaqa, ou comme dans le hadith qu'on a vu précédemment d'Abu Saïd, et concernant le pardon, comme ce hadith-là, le hadith d'Anas. C'est ce tawhid-là qui permet à la personne de bénéficier de cette promesse-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait vraiment au mouahid pur, celui qui vient avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec, comme on dit, le qalbin salim, avec un cœur saint, de toutes sortes de shirk, de toutes sortes de ta'alluq, le fait que le cœur de quelqu'un il soit attaché à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si bien qu'il va faire devancer son hawa, il va faire devancer sa shahwa, et ça va le pousser à commettre des péchés, ou ça va le pousser à commettre des sortes de petits shirk. La ataytuka bi qurabiha maghfira. Il dit ay mil al-ard. وملء الأرض ذكر المصنف رحمة الله عليه آخر الحديث وحديث قدسي وأوله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لأوتيتني إلى آخر الحديث. Donc ça c'est comme on a dit un hadith qudusi. Et le shir il a juste cité la fin du hadith. Le début du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit, ô enfant d'Adam, il dit, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, alors je te pardonne ce sur quoi tu étais, donc de péché, et voilà ubali, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne tient pas compte de ses péchés. Tant que l'insan, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il espère son pardon, il espère sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ce sur quoi il est comme péché, il n'en tient pas compte. Là où Bali, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où la personne elle a réalisé le tawhid et qu'elle demande, qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle espère en lui, qu'elle réalise ses adorations du cœur, qu'elle ait peur de son châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ses péchés. Donc ça, c'est des sabab pour le pardon. Le fait d'invoquer Allah, d'espérer sa miséricorde, d'avoir peur de son châtiment, ça, c'est des choses qui vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux serviteurs. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ou enfant d'Adam, si tes péchés atteignent le ciel, 'anan, c'est les nuages du ciel, et qu'ensuite tu me demandes pardon, alors je te pardonnerai et ne m'en occuperai point, ou ne m'en soucierai point, c'est-à-dire ces péchés-là. Les péchés qu'il y a entre le serviteur et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que ça ne touche pas un autre serviteur, parce que là, c'est une autre affaire. Mais lorsque les péchés concernent le serviteur lui-même, c'est des péchés qui sont entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala, tant que la personne elle est sur le tawhid, Allah, subhanahu wa ta'ala, il pardonne facilement. D'autant plus qu'ici, il y a l'istighfar. C'est quelqu'un qui demande sincèrement pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Yabna Adam, Law donc c'est le hadith, Biqurabil Ardi Khataya, Thumma Laqitani, La Tushriku Bi Shay'an. Donc, c'est à peu près le même sens dans le hadith rapporté. Par contre, c'est un hadith rapporté par Abu Dhar. Donc, c'est ce qu'on appelle le shahid. Ce qu'on appelle le shahid. On l'avait vu la dernière fois. Donc, c'est rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Muslim. Celui qui œuvre l'équivalent du volume de la terre en erreur, en faute, en péché. Ensuite, qui me rend compte en ne m'ayant rien associé. Alors, je lui donnerai son équivalent, donc l'équivalent de ces péchés-là, en pardon. Tu vois, Kharaja, l'imam al-Tabarani, fi thalathati, an Abi al-Darda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, ya ibn Adam, mahma abadtani, wa rajawtani, ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا والذنوب استقبلتك بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي حسنه السيوطي. الإمام الطبراني في الثلاثة في المعاجم المعجم الكبير والأوسط والصغير. Donc dans ces trois livres, l'imam al-Tabarani rapporte hadith de Abu Darda, qui a à peu près le même sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ô enfant d'Adam, tant que tu m'adores et que tu espères en moi. Et là, on a toujours la même condition. Sharatun thaqil, wa lam tushrik bi shay'an, et que tu me donnes pas. Que tu me viens sans m'avoir donné aucun associé. Donc, en ayant évité tout shirk, toutes sortes de shirk, et en ayant évité l'adoration de toutes sortes de ma'boudettes. Là encore, ce wow, on l'appelle wow haliya. C'est une phrase d'état. C'est-à-dire que cette personne-là, elle rencontre Allah dans cet état-là, en étant exempt et saint de toutes sortes de shirk. Alors je te pardonnerai de ce sur quoi tu es, c'est-à-dire comme péché. Et si tu me rencontres avec l'équivalent des cieux et de la terre en péché, c'est-à-dire en volume de péché et d'erreur, alors je te rencontrerai. Je te rencontrerai avec l'équivalent de pardon. Et je te pardonnerai sans me soucier de ces péchés-là. Voilà, Oubali. Ça a à peu près le même sens. L'imam al-Suyuti, il a dit que c'est un hadith qui est hassan. Le shir poursuit en disant Faman ja'a ma'a tawhid. Chouf ma'a tawhid. Ça, c'est un shir. Ça, c'est la condition. فَمَنْ جَاءَ مَعَ التَّوْحِيدِ بِقُرَبِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقِيَهُ اللَّهُ بِقُرَبِهَا مَغْفِرَةً فَإِنْ أَكْمَلَ الْعَبْدُ تَوْحِيدَهُ وَأَخْلَصَهُ لِلَّهِ وَقَامَ بِشُرُوتِهِ أَوْجَبَ ذَلِكَ مَغْفِرَةً مَا قَدْ سَلَفَ مِنَ الذُّنُوبِ وَمَنَعَهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قرب الأرض، وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة الثواب التوحيد وتكفيره الذنوب وللذنوب. قال المصنف نعم. Donc celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid. Avec le tawhid. Celui qui vient à Allah avec l'équivalent de la terre comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala le rencontre avec l'équivalent en pardon. Et si le serviteur complète son tawhid, c'est-à-dire qu'il vient avec un tawhid comme on a dit complet, c'est-à-dire qu'il est exempt de shirk akbar, ça c'est l'asl, qu'il est exempt de shirk asghar et que c'est quelqu'un qui ne persiste pas dans les grands péchés mais qui s'en repent et donc qui est exclusif, qui ne voue son culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qui réalise ce tawhid là avec ses conditions, ceci ça va exiger, ça va impliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés passés. Ça c'est le wa'd, ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est conditionnée par le fait de réaliser un tawhid complet. Complet, c'est-à-dire, comme on va le voir dans le chapitre suivant, c'est le fait de délaisser le shirk akbar, donc ça c'est la base, l'asrar, et de ne pas persister sur des grands péchés. Ça c'est kamal al-iman al-wajib. Et il y a des gens qui rajoutent, donc celui-là, celui qui réalise ce tawhid-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions vont être pesées et il participera à ce qu'on appelle al-hisab, les comptes. Les comptes des actions le jour du jugement. Mais celui qui rajoute à ce tawhid là complet le fait de faire ce qu'on appelle le mustahabbat, les actes recommandés, qui délaisse le makruhat, des actes qui ne sont pas interdits mais blâmables, alors celui-là, il peut même rentrer au paradis sans même être jugé, sans le muhasaba, sans les comptes. Il rentre directement au paradis et c'est le sujet du troisième chapitre du livre, comme on verra, inshallah, la prochaine fois. Donc celui qui a réalisé un tawhid complet, comme on l'a dit, ça l'empêche de rentrer au feu. Comme on l'avait vu dans le hadith de Ibn. Inna Allah harram ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Et Allah interdit au feu celui qui dit la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. On avait dit ça c'est quoi? C'est l'ikhlas avec une exclusivité mais complète, un ikhlas complet avec un sidq, une sincérité complète et avec un yaqin, une certitude complète. Celui-là, c'est ça qui va permettre à ce tawhid d'être assez lourd pour contrebalancer n'importe quelle mauvaise action. Et à la base, c'est quelqu'un, encore une fois, qui ne commet ni shirk akbar ni asrar, qui ne persiste pas sur des péchés. Donc celui-là, il a un iman qui va l'interdire de rentrer au feu. Allah, il va interdire le feu, au feu de le toucher. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. Donc le tawhid pur, qui n'est mélangé par aucune sorte de shirk, c'est-à-dire de shirk asghar. Alors ce tawhid-là, aucun péché ne peut exister avec ce tawhid-là. Parce que soit il est contrebalancé par ce tawhid-là, comme de l'hadith d'Abu Sa'id, de l'hadith d'Al-Bitaqa, etc. Soit par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith de Anas. Et même si ces péchés-là atteignent soit les 99 feuillets remplis de péchés comme dans le hadith al-Bitaqa, soit comme que ces péchés-là soient aussi importants que les cieux, la terre et tout ce que ça comprend comme dans le hadith d'Abu Saïd, ou qu'ils soient l'équivalent au volume de la terre comme dans le hadith d'Anas, tous ces péchés-là ne font pas le poids et ne peuvent pas exister avec ce tawhid-là, ce tawhid complet-là. Ufi sa'ad karamillahi wajudi. Et donc dans ceci, il y a la grandeur de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa générosité. C'est quelqu'un qui vient avec ce tawhid-là, khlas. Allah la yubali bidhunubihi. Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte de ses péchés et des erreurs qu'il a faites. Et on a aussi dans ces textes-là une indication sur la grandeur de la récompense du tawhid. D'une manière globale, comme on a vu le muwahhid, comme on l'a vu dans le premier hadith, le hadith d'Ubad ibn Samit, celui qui meurt muwahhid et qui s'est désavoué du shirk akbar. Celui-là, son mérite, c'est quoi? C'est que sa fin, elle sera au paradis. Quoi qu'arrive avant, de châtiment, que ce soit dans la tombe, que ce soit fil mawqif, que ce soit fil nar, c'est quelqu'un qui terminera au paradis. Ça, c'est le mérite de l'accomplissement de la base du tawhid. Et pour ceux qui ont réalisé un tawhid complet, le mérite, c'est que le feu ne les touche point. C'est que des gens qui rentreront directement au paradis. Donc ça, c'est un mérite supplémentaire, mais dont peut bénéficier que celui qui a ré réalisé un tawhid complet, comme on l'a vu. Il dit, wa takfiruhu et l'expiation de l'ensemble des péchés. Le fait que ce tawhid, il expie l'ensemble des péchés, comme on le voit très bien dans ce hadith-là. Dans ce hadith-là, on voit que les péchés, ils sont expiés, ils sont annulés, ils sont contrebalancés par le poids de ce tawhid-là, donc de ce tawhid-là, tawhid complet. Encore une fois, si les péchés sont accompagnés du shirk asghar et que c'est des grands péchés, que la personne a persisté dans ces péchés-là sans s'en repentir, alors là, la balance des mauvaises actions est plus lourde que la balance des bonnes actions. Même si dans cette balance des bonnes actions, on y met la ilaha illallah, ce tawhid-là, il n'est pas assez lourd. Et la personne, elle mérite le châtiment. Le cheikh dit, قال المصنف, donc le cheikh Mohammed, il dit, تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. Donc ici, le cheikh dit quelque chose de très important. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. Là, le shir nous invite à méditer les cinq choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans le hadith d'Ubada. Hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, on se rappelle, c'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu, wa kalimatuhu ilqaha ila Maryam, wa ruhun min, wa jannata haq, wa nara haq, khalahu Allahu jannata ala makan min al-amal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence le hadith en disant: Man shahida an la ilaha illallah. طيب, est-ce que cette shahada-là, c'est une simple parole? Le shir, il dit, si tu rassembles ce hadith-là, donc là encore, il dit quelque chose d'important à souligner, avec deux ou trois traits au stylo. Iza jama'ta baynahu bayna hadith al-Ibani. Encore une fois, la voie de Al-Sunnah wal-Jama'ah pour comprendre l'islam, c'est le fait de rassembler les textes. Les textes qui concernent un même sujet, il faut les rassembler et donner à chaque texte son droit pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous et pour comprendre quel est le sens de sa religion. Donc là, il dit, si tu rassembles entre le hadith de Ubadah et le hadith de Ibn, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ الْإِخْلَاصِ. Il dit, est-ce qu'il y a après? Donc, le hadith d'Abu Saïd, le hadith d'Anas, لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا. Si on rassemble là tous ces hadiths-là, il dit alors, il est clair, le sens de la ilaha illallah apparaît clairement à toi. C'est-à-dire, ce qui veut dire là le shirk, c'est que cette parole-là, la ilaha illallah, ce n'est pas une simple parole de la bouche, mais c'est une parole qui a un sens, qui implique des choses, qui implique le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de s'écarter, de laisser le shirk ra'san, le shirk akbar, le shirk asghar. Ça, c'est le sens de cette shahada, la ilaha illallah. Comme on le voit dans le hadith de Ibn, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ الْإِخْلَاصِ. Comme on le voit dans le hadith de Anas, la tushriku bi shay'an. Donc, dans ces textes-là, quand on rassemble tous ces textes-là, on comprend le sens de la ilaha illallah. Khata'u al-maghrourin. Donc, al-maghrourin, les gens qui ont été trompés en pensant que la ilaha illallah, c'est une simple parole de la bouche qui n'implique pas d'acte, ni d'acte du cœur, même d'acte des membres. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui commet des choses qui l'annulent, comme le shirk akbar, ou le fait de délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser les actes, c'est des gens qui pensent que cette personne-là, elle a accompli la ilaha illallah, et en plus de ça, ils pensent que cette personne-là mérite la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse qu'on a lue dans ces hadiths-là, qu'Allah jalla wa ala pardonne tous ses péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interdise au feu, tout ça parce qu'il dit la ilaha illallah. Alors que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son sens et qui ne met pas en pratique son sens, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah seul et de délaisser toute forme de shirk et de s'écarter, de se désavouer de toute forme de fausse divinité. Il dit wafihi. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. Le fait que l'anbiya, ils ont besoin des fois d'un rappel sur le mérite de la ilaha illallah, comme c'est le cas dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a rappelé à Moussa le mérite de la ilaha illallah. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous interpelle sur le fait que cette shahada, encore une fois, quand on l'a réalisée de manière complète, elle est plus lourde que toute la création. Plus lourde que les cieux, la terre et ce qu'ils comprennent. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. Il dit bien que la majorité des gens qui la disent, donc la balance des bonnes actions, la balance des bonnes actions est allégée, c'est-à-dire elle est légère, elle est plus légère que la balance des mauvaises actions. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui la disent, même s'ils savent ce qu'elle veut dire, avec un yaqin, une certitude incomplète, de la même manière une sincérité incomplète, avec une exclusivité ikhlas incomplète, qui vont mélanger au tawhid des sortes de shirk asrar, qui vont commettre des grands péchés et y persister, donc sans s'en repentir, ça va affaiblir le tawhid. Donc, qui dit la ilaha illallah, mais cette parole-là, elle est faible. Elle est faible, elle est légère dans la balance. Elle est pas lourde comme dans les hadiths qu'on a vu comme hadith al-Bitaqa et d'autres hadiths. Elle a pas ce poids-là. Et ça, il dit, c'est-à-dire c'est beaucoup, c'est la majorité des gens qui la disent, ils sont dans ce cas-là. Là, et encore, là, on parle des gens qui ont réalisé la base. On ne parle pas des gens qui ont commis le shirk akbar et qui à la base sont des mushrikines, qui ne sont pas mouahidines, ceux-là ils ne rentrent même pas dans le sens. وَفِيهِ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثِ أَنَسِ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِبَّانِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ لَيْسَ أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ إِنَّ هُوَ تَرْكَ الشِّرْكِ Si tu rassembles les deux hadiths, le hadith d'Aïdban et le hadith d'Anas. Donc le hadith d'Aïdban, yabtari bidhalika wajaha Allah. Et le hadith d'Anas, la tushriku bi shay'an. Tu comprends que le sens du hadith d'Aïdban, yabtari bidhalika wajaha Allah. Qu'ils recherchent la face d'Allah, qu'ils vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est le délaissement du shirk, de toutes sortes de shirk. Ça, on le comprend, encore une fois, en rassemblant les textes. Si on rassemble le texte de Anas, hadith Anas, avec le hadith de Ibn, on comprend ce que ça veut dire, yabtari bidhalika wajh Allah. Ils recherchent par ceci, en disant la ilaha illallah, la face d'Allah, que c'est l'ikhlas. Et que c'est le délaissement du shirk, de toutes sortes de shirk, qu'il soit encore une fois en grande quantité, en petite quantité, qu'il soit du petit shirk ou du grand shirk, il délaisse tout ça et c'est pour ça qu'il mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu dans le hadith d'Aïdban, inna Allah harrama 'ala an-nar, et qu'il mérite le pardon. Et que le pardon d'Allah Jalla wa Ala est équivalent à la quantité de péché avec laquelle il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Dit fa maghfiratu dhunub mashruta bi salamati min ash-shirki qalilihi wa kathirihi. فالذي ليسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا والذي مات ومعه الأصغر تدعف معه فلا يقوى قولها على التكفير السيئات والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابه. Et donc le pardon de l'ensemble des péchés est conditionné par le fait d'être saint, d'être exempt de tout shirk. Qu'il soit en petite quantité, en grande quantité, qu'il soit du grand shirk ou du petit shirk. Celui qui n'est même pas saint du grand shirk à la base, cette shahada, cette parole-là, lui sert à rien du tout. Ce qu'il est mushrik, kafir billah. Mushrik, kafir, et il mérite le khulud finnar, s'il a eu la preuve. Il mérite le khulud finnar, le fait de s'éterniser dans le feu de l'enfer. Na'udhu billah. Et c'est lui qui meurt et qui a commis des sortes de shirk asghar, alors ce tawhid-là, encore une fois, comme on a dit, il s'affaiblit. Il s'affaiblit et il n'est plus assez lourd dans la balance pour contrebalancer les mauvaises actions. Et celui qui rajoute en plus de ça de la bid'a, des innovations et des péchés qui persistent sur ces péchés-là, alors là, ça va encore diminuer sa récompense. C'est-à-dire son degré dans le paradis, il baisse. Ça, c'est le sens, on avait dit, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, le premier hadith de Ubad ibn Samit. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. C'est-à-dire, Allah, il le fait rentrer au paradis en fonction de ses actes. Donc, soit il le fait rentrer directement, si c'est quelqu'un qui a accompli un tawhid complet, soit si c'est quelqu'un qui a commis des sortes de shirk asghar, des péchés, il peut passer par le feu pour expier ses péchés, et quoi qu'il en soit, son degré au paradis, il sera évidemment moindre que celui qui a accompli un tawhid complet. Donc on termine ce chapitre-là avec ce hadith-là de Anas, donc hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, hadith Hassan. Et on continuera, inshallah ta'ala, la prochaine fois avec le troisième chapitre, dont Bab Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. On verra que donc celui qui a accompli le tawhid ici, c'est le sens, c'est ce qu'on appelle kamal at-tawhid al-mustahab. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont réalisé le plus haut degré du tawhid, ceux-là y rentrent au paradis sans être jugés, sans même aucun jugement, et donc de manière darouria nécessaire, sans châtiment. Ils rentrent directement, même sans jugement, parce qu'ils ont réalisé un tawhid complet, mais en plus qu'ils ont, comme on le verra, délaissé certaines choses qui sont makro, certains sebeb qui sont blâmables, pas interdits mais blâmables, qu'ils les délaissent, tawakkulan ala Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui réalise le tawhid complet. Parfait. On arrête là, wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.